bonjour à vous, chers auditeurs de la radio Isanganiro, et bienvenue dans ce journal de ce 10 mars, dont voici les grandes articulations. Une dizaine de fidèles à Gaton Lwasa ont été arrêtés en commune Nyanzalak en province Makamba. Le député Renova Ndunga me demande que ces personnes soient libérées dans l'immédiat et sans condition. Le président de la Chambre haute du Parlement demande à la commission du dialogue interbond des SNDI de s'entretenir avec le facilitateur Benjamin Mkapa afin d'éviter des chevauchements sur ce qui sortiront des deux équipes de dialogue entre Bujumbura et Arusha. 7 sur 13 parmi les représentants des étudiants de l'Université du Burundi ont démissionné depuis ce 9 mars. Ces étudiants disent que les droits de ceux qu'ils représentent continuent à être bafoués. Et le président de la représentation générale des étudiants, Roger Tamblo, toutes ces accusations. 7 personnes habitant la colline Mutambara, c'est en commune Rumonge, c'est au sud du Burundi, sont dans les mains de la police judiciaire de Rumonge depuis le matin de ce vendredi et sont poursuivis pour le meurtre d'un homme du site de Gahore de cette même colline. Vous l'entendrez dans ce journal présenté par Mireille Kanyange. La mise en onde est assurée par Jean de Dieu Ndeisenga. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Page politique pour débuter ce journal. Le président de la Chambre haute du Parlement demande à la commission du dialogue interburundi SNDI de s'entretenir avec le facilitateur Benjamin Mkapa afin d'éviter des chevauchements dans la mise en œuvre de ce qui sortira de ces deux équipes de dialogue. Révérien Dikuriola a précisé ce jeudi 9 mars lors d'un atelier d'échange organisé par cette commission à l'intention des parlementaires burundais. Ah, suivez-le. Il y a un dialogue interne qui touche à sa fin, mais également il y a un autre dialogue en cours pour les Burundais de l'extérieur qui se tient à Arusha. Il me semble que vous êtes en train de travailler chacun de son côté, alors que vous travaillez pour le même pays et un même peuple. Arusha a son propre programme. Pourquoi ne pas échanger avec la facilitation de Mkapa si l'agenda des discussions dans le souci d'harmonisation du contenu? La population est souveraine en matière de démocratie. Si vous faites des choses contraires à sa volonté, elle peut refuser l'application. Alors, par quelle voie donc cela pourrait être mis en œuvre? Il faut être franc en disant la vérité pour ne pas créer des problèmes. Raison pour laquelle je demande que la commission aille s'entretenir avec Mkapa afin de travailler sur les vraies aspirations du peuple. Révérien Dikuriyo, c'est le président de la Chambre haute du Parlement. Il était traduit en français par Charles Makoto. Toujours en page politique, une dizaine de fidèles de l'acteur politique et premier vice-président de l'Assemblée nationale à Gaton Lwasa, en commune Nyanzalak, dans la province Makamba, sont déjà arrêtés depuis le début de cette semaine. Le député Renova Ndunga, élu dans cette circonscription, dénonce ces arrestations qu'il juge irrégulières. Il explique que ces personnes sont accusées d'avoir tenu dimanche dernier une réunion non autorisée alors qu'ils étaient allés consoler une famille qui avait peur de deux jumeaux qui étaient nés. Le député Renova Ndunga me demande que ces personnes soient libérées immédiatement et sans condition. Suivez-le. Certains membres de la coalition Misère Barundi se sont organisés pour rendre visite à la famille Baisenge Prosper qui avait perdu deux enfants jumeaux. Donc ils sont allés pour le consoler. C'était dans ce cadre que les membres de la coalition Misère Barundi, en commune Nyanzalak, zone Kazirabageni, se sont rendus chez M. Baisenge Prosper pour le consoler. Mais après, le lundi, la police, accompagnée par la jeunesse Imbonerakure, sont rendus sur les lieux et ils ont dit qu'ils étaient en train de faire une réunion clandestine qui n'était pas autorisée par les autorités locales. Ils ont été acheminés au cachot de la police Nyanzalak. Moi-même, j'ai passé là-bas et j'ai remarqué qu'il y avait cette personne qui était incarcérée au cachot. Et j'ai demandé au commandant PJ pour la raison pour laquelle on les a emprisonnés. Il m'a dit que, d'après les témoins, ils ont dit qu'ils étaient en réunion clandestine. C'est quelqu'un qui était parmi eux qui a donné cette information à la police. Et à partir de lundi jusqu'aujourd'hui, on a déjà incarcéré pas mal de personnes, une douzaine de personnes, y compris un certain Daïk Eza Pascal qui travaille en inspection provinciale de Makamba, dans le département de sciences. Il a été arrêté au travail et maintenant, je ne sais pas ses nouvelles. Quelle est la qualification que vous donnez à ces arrestations? Je vois que c'est une sorte d'intimidation. Ils veulent nous mater, ils veulent nous museler. de ne plus parler de notre coalition, de notre formation politique FNL. Vous êtes sans ignorer que les FNL sont persécutés dans toutes les provinces du pays et au vu et au sud de l'administration. On ne sait pas si on va quand même continuer à vivre de telles atrocités. Aujourd'hui, vous parlez d'une dizaine déjà incarcérés. Qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons à l'administration locale de la province, l'administration provinciale, au peuple de la République à Makamba, de laisser ces gens libres parce qu'ils sont victimes d'une rencontre qui n'était pas d'une réunion. Le député Renovando Mwami, élu en province à Makamba, était joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. Et en province, Karusi, trois hommes de la commune Gihogazi sont incarcérés depuis ce mercredi au cachot de cette commune. Leurs familles sont inquiètes de cette arrestation. Le commissaire provincial de la police indique qu'ils ont été arrêtés pour des raisons d'enquête suite à une grenade qui a explosé ce mercredi. À Blaise, Pascal Kararumiye nous en dit plus. Ces trois hommes sont Saint-Guillaume Bonaventure de la colline Mugogo, Chimilimana Jean-Marie et un certain Célestin, tous les deux étant de la colline Gassegni, de la même commune de Gihogazi, province Karusi. Ils ont été arrêtés ce mercredi vers 15h à Gitanga, à la frontière des communes Gihogazi de la province Karusi, où ils résident, et la commune Luhororo d'Ongozi, où ils se rendaient à bord d'une moto chez un ami, comme l'indiquent les membres de leur famille. Leur famille disait être inquiète de leur emprisonnement au cachot de police de la commune Gihogazi sans être au courant du mobile de leur arrestation. Le commissaire provincial de la police affirme que ces trois hommes ont été arrêtés pour des enquêtes relatives à l'explosion d'une grenade de ce même mercredi à la colline Kizingoma de la commune Gihogazi. De même que l'administrateur communal et le commissaire provincial de la police, ils indiquent que cette grenade a coûté la vie à celui qui en avait dans sa poche. Le commissaire Jérôme Nivogora dit que cette personne est déjà connue comme originaire de la commune et province Kayan et qu'il était bandit de la place. Cette personne tentait de voler les habitants de la colline Kizingoma de la commune Gihogazi, indique le commissaire provincial. Il tranquillise les familles de ces personnes que ces trois personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête et qu'après les enquêtes, ces personnes pourraient être relaxées. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. À 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro, cette fois-ci page éducation. À 7 sur 13, parmi les représentants des étudiants de l'Université du Burundi ont démissionné depuis ce 9 mars. Ces étudiants disent que les droits de ceux qu'ils représentaient continuent à être bafoués alors que la représentation générale ne s'active pas pour les défendre. Pour eux, cette représentation, au lieu de défendre les droits des étudiants, et soutient plutôt tous les ordres des autorités rectorales. Suivez Fabrice Manirakiza, il était secrétaire exécutif de la représentation intérimaire des étudiants. Les raisons qui nous ont poussé à démissionner sont notamment l'absence d'une franche collaboration entre les membres de la présentation eux-mêmes et le président du comité exécutif. Ensuite, l'égocentrisme du pouvoir qui s'est maintes reprises ingéré dans les attributions de chacun des membres de la présentation, sans oublier le président du comité de résolution des conflits. L'absence de réunions pour statuer si c'est une question qui hante la communauté estudiantine aujourd'hui. Notamment, la réduction des jours des examens, la suppression des évaluations continues qui constituent aujourd'hui un handicap majeur pour la réussite des étudiants de l'Université du Burundi. La distribution des chambres sans carte de restauration, alors que les membres, la plupart des membres de la présentation, ont refusé cette mesure. La revue à la hausse des frais de maquisage, qui était de 4 000, mais vient de passer à 5 000 francs. Retrait des frais de la tenue de compte pour la maigre ressource d'un étudiant qui est la bourse. Le pire des pires, c'est le système de pré-bourse qui vient de s'ajouter aux problèmes qui hantent la vie d'un étudiant à l'Université du Burundi. Et le président de la représentation générale des étudiants rejette en bloc toutes ces accusations. Sildi Barutwana indique qu'il y a souvent des séances à l'Université du Burundi pour débattre des défis dont les étudiants font face. Quant à la mise en application des mesures prises par les autorités rectorales, il précise qu'il ne peut pas intervenir puisqu'il est étudiant comme les autres. Suivez. À mon point de vue, premièrement, est de vous dire que ceux qui viennent de démissionner sont des irresponsables. Parce que premièrement, pour pouvoir démissionner, ils sont acquis d'une certaine irresponsabilité. Plutôt, s'il y a beaucoup de problèmes ou beaucoup de questions qui sont là, il faut y rester pour pouvoir trouver certaines solutions. Puis les étudiants de l'Université du Burundi ont pas mal de problèmes. Ce ne sont pas des problèmes liés à la bourse ou liés à ceci ou cela. Il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas même à l'Université du Burundi seulement qu'il y a des problèmes. Partout dans des communautés, dans des sociétés, il y a des problèmes. Pour trouver des solutions, il faut s'asseoir ensemble pour pouvoir trouver solutions à des problèmes. Il ne faut pas leur fuir la responsabilité. Ceux qui disent que je dirais les ordres du rectorat, le rectorat, moi, ne me donne pas des ordres. Seulement, je participe dans des réunions rectorales pour pouvoir justement défendre les intérêts des étudiants. Quelquefois même, les étudiants qui viennent de démissionner, nous y allons ensemble. Et dans ces derniers jours, je peux dire que les réunions avec les délégués sont devenues impossibles. Je peux vous dire pourquoi ce sont eux-mêmes qui ont fait à ce qu'on ne fasse pas des réunions. Parce qu'ils ont, parvenu à afficher un comportement très irresponsable face à nous qui étions en train de diriger une certaine réunion à laquelle ils nous ont fait sortir. Sildi Marutwane, c'est le président de la représentation générale des étudiants à l'Université du Burundi. Il a été joint au téléphone par Aubin Niyonkuru. Le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenu ce jeudi est revenu sur un éventuel quatrième mandat de l'actuel président burundais. Selon le site des Nations Unies, le représentant burundais à l'ONU ne l'entend pas de cette oreille. Et Joseph Nsabiyabandi vient de me rejoindre au studio. Ah, il a lu ce site. Qu'est-ce que ce conseil Mireille, le Conseil de sécurité de ce jeudi a vu la participation du Conseil spécial du secrétaire général de l'ONU, mais également du facilitateur dans le conflit inter-burundais, Benjamin Mukapa. Comme on le trouve sur le site des Nations Unies, le Conseil spécial du secrétaire général des Nations Unies a estimé ce jeudi devant le Conseil de sécurité que la tentative du président burundais de brigué en 2020 en quatrième mandat risquerait d'intensifier la crise dans ce pays et d'accroître l'isolement international du pays. Selon le même site, Jamal Ben Omar s'est inquiété sur une éventuelle candidature de l'actuel président burundais aux élections de 2020, comme on vient de le souligner, sous réserve d'une réforme constitutionnelle et de l'appui de la population burundaise. Monsieur Ben Omar a évoqué que la situation des droits de l'homme est préoccupante. Selon lui, elle est marquée par des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires, des actes de torture et des disparitions forcées. Le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU aura mentionné que 210 cas de disparitions forcées ont été signalés entre octobre 2016 et janvier 2017. L'inquiétude du Conseil spécial et du secrétaire général sur l'idée du quatrième mandat du président burundais a été rejeté par le représentant du Burundi qui a vu dans l'évocation d'un quatrième mandat le signe d'une politique de deux poids, deux mesures à l'égard de son pays. La question d'un quatrième mandat n'a jamais été évoquée par une autre autorité de l'ONU pour les cas de quatrième mandat, cinquième, sixième, voire même septième mandat ailleurs dans le monde, s'est-il étonné. Selon le même site, le représentant du Burundi a également rappelé que le phénomène des disparitions forcées était une menace globale et qu'aucune nation n'était épargnée. Selon lui toujours, le chiffre de plus de 200 cas a été établi sans preuve et sans enquête sérieuse. De son côté, le facilitateur Benjamin Mokapa, qui était présent, aura regretté qu'il avait demandé au gouvernement burundais de suspendre les mandats d'arrêt émis à l'encontre de certains acteurs politiques influents pour qu'ils puissent se rendre à Arusha. Mais il regrette que cette demande n'a pas été bien accueillie. Le facilitateur du dialogue interburundais et ancien président de la République unie de la Tanzanie, M. Benjamin William Mkapa, a déploré aussi que chacun considère la partie adverse au Burundi comme un ennemi. Madame Mireille, le délégué de l'Uruguay qui était présent et qui a pris parole dans cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'instar du facilitateur, a prôné le dialogue pour mettre en œuvre l'accord d'Arusha sous peine de voir réduite à néant plus d'une décennie de consolidation de la paix au Burundi. Merci Joseph Nsabiawandi pour tous ces détails. Après une courte pause, c'est la page sécurité de ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 18 personnes irrégulières ne figurant pas dans les cahiers des ménages ont été arrêtées ce vendredi matin au quartier Muzenga di Tchétchénie de la zone Moussaga, c'est une commune urbaine de Moura. Elles ont été arrêtées au cours d'un travail de routine opéré conjointement par les forces de l'ordre et de sécurité. Ces personnes arrêtées sont actuellement au bureau de la zone Moussaga où l'administration procède à leur identification, indique le porte-parole adjoint de la police nationale, Moïse Nkurunziza. Et cette personne habitant la colline Mutambara, c'est en commune Rumonge, sont dans les mains de la police judiciaire de Rumonge depuis le matin de ce vendredi et sont poursuivies pour le meurtre d'un homme du site Gahore de cette même colline qui a succombé à ses blessures vers 21h de ce jeudi, selon le chef collinaire. La police toujours recherche un certain Niyukuri Claver alias Nambi, auteur principal de ce crime sur fond de partage de riz. Et deux hommes sont morts foudroyés, c'est en province Muyinga ce jeudi dans l'après-midi. Trois autres ont été blessés, cela s'est passé à la colline Gahemba en commune Mwakiro. À Sylvie Muhimhundu, administrateur de cette commune, indique que c'était au cours d'une pluie violente. Et une vache a été volée par des bandits armés au cours de cette nuit de jeudi à vendredi sur la colline Murengeza, c'est en commune Mpanda de la province Bubanza. Arrivés sur la colline Moussegni de la même commune, ils ont été interceptés par des veilleurs des champs de palmiers à huile. Ces bandits ont tiré sur des veilleurs, mais les balles ont raté leur cible, précise les autorités locales. Une grenade a également été lancée sans enregistrer aucun dégât. À des sources à Bubanza indiquent que l'une des vaches volées s'est échappée et retournée à Murengeza, mais la deuxième aurait été emportée par les ravisseurs. En province Ngozi, trois enfants sont hospitalisés après avoir été mordus par des chiens errants. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage Ngozi conseille aux détenteurs de ces chiens de les tuer au lieu de les laisser errer. Les détails avec Apollinaire Amuzagara. Les enfants hospitalisés sont tous de la commune Gashikano en province Ngozi. Deux de la colline Chironda, âgés de 4 à 6 ans, sont gravement malades à l'hôpital d'Ngozi. En plus du traitement antirabique, les enfants sont soignés de graves blessures causées par ces chiens et tels chiens sont également signalés à la colline Gawazi de la commune Ngozi. Là, ils ont dévoré des porcs et ont aussi mordu des ans. Steven Chimilimana, chargé de la santé animale à la direction provinciale de la ville de l'élevage en Ngozi, conseille toute personne possédant un chien de le garder à la maison et de le faire vacciner. Il invite aussi ces personnes à tuer leur chien dans le cadre du non-respect. Ces conseils aux chargés de la santé animale indiquent que des vaccins antirabiques sont disponibles à la DPA de Ngozi, appelé Muzagara Radio Sangani. Isanganiro. À 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Les aides collectées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays arrivent aux bénéficiaires dans les différentes provinces. Cela est confirmé par Martin Nivyabandi, ministre burundais de la Solidarité. Il indique que la redistribution de ces aides se fait sur base des listes confectionnées par des administratifs. Suivez-le. Il a été joint au téléphone par Alida Ndaikez. Sur le plan extérieur, le ministère en charge des affaires sociales avait pu confectionner un projet via le ministère des Relations extérieures qui a été transmis au gouvernement chinois, qui a contribué à la hauteur de 5 262 tonnes de riz. Il y a d'autres contributions qui passent par des organisations qui opèrent sur le terrain depuis longtemps comme le PAM. Après avoir récolté ces aides, comment faites-vous pour faire l'identification des bénéficiaires? L'identification des bénéficiaires est un exercice qui est fait par les responsables à la base. Si on se sert de la base de données qui est détenue par les organisations partenaires. Quand les chefs des institutions visitent les différents bénéficiaires dans les communes ou provinces, est-ce qu'ils utilisent ces aides que vous avez collectées? D'une part, la source des aides qui sont apportées par les hautes autorités, d'une part, il y a ce qui est marge du budget général de l'État. Différents partis politiques délivrent des aides, notamment le parti au pouvoir. Comment collecte-t-il cette aide qu'il distribue par après? Un parti politique est une organisation dont l'objectif aussi c'est de toucher les populations afin qu'il présente un programme lors des élections, puisse leur apporter des appuis en termes de vote et encourager les autres. En dehors des élections, on devait aussi adopter une attitude de développement. Les moyens dont ils utilisent, nous ignorons comment ils collectent, ils ont les systèmes et les façons de collecter les aides. Martin Nivyabandi, c'est le ministre burundais de la Solidarité. Il a été joint au téléphone par Alida Ndaikeza. Et les gouverneurs de province ne devraient pas mettre en place des lois régissant l'organisation de leur province. Ils devraient plutôt se référer à la loi pour prendre de telles mesures administratives, car le Burundi n'est pas en état fédéral. Cela a été dit par Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, lors d'un point de presse ce vendredi. Il a également indiqué que ces derniers jours, les gouverneurs de province ont mis en place des lois qui, visiblement, n'émanent pas du gouvernement. Il interpelle le ministère de l'Intérieur de faire attention à ce sujet, car de telles mesures revêtent un caractère arbitraire. PARSEM éprouve des inquiétudes par rapport à certaines mesures qui sont prises régulièrement par certaines entités administratives, notamment les gouverneurs de province. Il y a par exemple des restrictions sur les contrats de mariage dans certaines provinces, restrictions sur le commerce intra-provincial, la fixation des prix, l'occupation obligatoire de la jeunesse dans certaines localités, prendre de l'argent à la source en guise de cotisation pour une infrastructure donnée. Nous voulons interpeller la conscience des uns des autres en leur rappelant que d'abord le Burundi constitue une République unité, ce n'est pas un État fédéral. C'est l'article 1 de la Constitution qui le mentionne. Deuxièmement, l'article 142 de la Constitution dit clairement que l'administration est organisée en ministère. Ce sont les ministères qui rendent compte au président de la République. Et le gouverneur, l'administration provinciale est sous le contrôle du ministère de l'Intérieur de la formation patriotique pour le cadre de figure aujourd'hui. Et encore, au niveau de la FI des lois, il y a la Constitution. Après, vous avez des lois organiques, lois ordinaires, qui sont votées à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il y a le décret présidentiel, il y a les arrêtés des vice-présidents, il y a les ordonnances ministérielles. Mais les mesures de gouvernement, leur place, c'est où? Et cela risque donc ce qu'on appelle l'arbitraire. C'est pour ça que nous entrons dans l'appel au ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique, l'institution d'Ombudsman, le ministère de la Justice à travers la Cour constitutionnelle, de veiller à la légalité de certaines mesures qui sont prises par l'administration. Et au gouvernement de province d'être prudent sur leur pouvoir, sur la légalité des mesures qu'ils prennent. Faustin Ndikumana, c'est le président de la PARSEM et dont les propos ont été recueillis par Didier Nionzima. Dernier élément de ce journal, la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bubanza a décidé ce mercredi le maintien en détention du docteur Ndanibenga Pascal, directeur adjoint de l'hôpital de Bubanza. Cette décision intervient après 4 jours de sa détention. Le docteur Ndanibenga Pascal est accusé d'avoir refusé d'aider une patiente qui était transférée à cet hôpital et qui a finit par succomber sur place. De son côté, ce docteur précise qu'il était à ce moment au bloc opératoire. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Jean de Dieu Ndeisenga qui a assuré parfaitement la mise en onde de ce journal. Un excellent après-midi à tous et à tous. Au revoir.